Elle n'avait pas encore parlé. Elle dit tranquillement « Relevez-vous, monsieur, on pourrait entrer. » Il refusa. Il la supplia encore. Peut-être aurait-il attendu s'il n'avait pas été jaloux de monsieur Desfondettes. C'était un tourment qui l'affolait. Puis il se fit très humble. « Je vois bien que vous me méprisez toujours. Eh bien, attendez, ne donnez votre amour à personne. Je vous promets de si grandes choses que je saurais bien vous fléchir. Il faut me pardonner si j'ai été brutal tout à l'heure. Je n'ai plus la tête à moi. Oh, laissez-moi espérer que vous m'aimerez un jour. » « Jamais !» prononça-t-elle avec énergie. Et quand elle restait par terre, écrasée, elle voulut sortir. Mais lui, la tête perdue, pris d'un accès de rage, se leva et la saisit au poignet. Une femme le braverait ainsi lorsque le monde était à ses pieds. Il pouvait tout, bouleverser les États, conduire la France à son gré, et il ne pourrait obtenir l'amour de sa femme. Lui, si fort, si puissant, lui dont les moindres désirs étaient des ordres, il n'avait plus qu'un désir, et ce désir ne serait jamais contenté parce qu'une créature d'une faiblesse d'enfant refusait. Il lui serrait les bras, il répétait d'une voix rauque « Je veux, je veux !»« Et moi, je ne veux pas !» disait Flavie toute blanche et raidie dans sa volonté. La lutte continuait, lorsque le baron d'Anvilliers ouvrit la porte. À sa vue, Nantaz lâcha Flavie et s'écria « Monsieur, voici votre fille, qui revient chez son amant !» Dites-lui donc qu'une femme doit respecter le nom de son mari, même lorsqu'elle ne l'aime pas et que la pensée de son propre honneur ne l'arrête plus. » Le baron, très vieilli, restait debout sur le seuil, devant cette scène de violence. C'était pour lui une surprise douloureuse. Il croyait le ménage uni. Il approuvait les rapports cérémonieux des deux époux, pensant qu'il n'y avait là qu'une tenue de convenance. Son gendre et lui étaient de deux générations différentes. Mais s'il était blessé par l'activité peu scrupuleuse du financier, s'il condamnait certaines entreprises qu'il traitait de casse-cou, il avait dû reconnaître la force de sa volonté et sa vive intelligence. Et brusquement, il tombait dans ce drame qu'il ne soupçonnait pas.